je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de la saison 3 de Ludologie, 33, on va voir si on rencontre le docteur. En tout cas, d'ici là, on va parler de choses en petit comité après un premier épisode de saison où nous étions un peu plus nombreux, même si la semaine dernière, il y a 15 jours, je n'ai pas participé, mais il me semble bien que Célène et Adrien étaient à nouveau en cercle restreint. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau à 3, à nouveau avec une majorité féminine. C'est bien pour un podcast qui parle de jeux, ça nous change un petit peu de l'année dernière, on est content. Et puis, en plus, on va parler d'un sujet sensible, personnel, qui mérite qu'on soit pas trop nombreux, puisqu'aujourd'hui, on va parler d'intime. On va parler d'intime en jeu. Pour ça, notre invité du jour, c'est Morgane Reynier, qui a écrit notamment Sur la route de Chrysopée, un jeu dont on reparlera au cours du podcast, qui a quelques particularités, un jeu de rôle avec un format original. Et puis, c'est Célène Tonon, qui anime avec moi ce troisième numéro de la saison 3. Bonjour Célène. Bonjour. Alors, comme vous l'entendrez peut-être, on a dû improviser avec les contraintes des uns et des autres. Et donc aujourd'hui, Célène est à distance, mais néanmoins bien présente. En fait, c'est vous qui êtes à distance et c'est moi qui suis à domicile. C'est vrai que j'avais mal vu, mais tu as parfaitement raison. Et puis surtout, bonjour Morgane, puisque c'est avec toi qu'on va pouvoir discuter sur leur avenir. Bonjour. Alors, moi, j'aurais plein de questions à poser, mais la première, peut-être, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, c'est est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je dois pouvoir faire ça. Donc, je m'appelle Morgane, je suis auteur de jeux depuis un an maintenant, et puisqu'on fête le premier anniversaire de mon premier jeu, ça fait beaucoup de 1 tout ça, donc ce jeu qui s'appelle Sur la route de Chrysopée et qui est auto-édité, c'est-à-dire que je ne suis pas passée par un éditeur, c'est moi-même qui me charge de tout le bazar de diffusion. Et alors, Sur la route de Chrysopée, c'est du jeu de rôle, c'est ça ? Oui, c'est un livre de jeu de rôle qui est un peu particulier, comme tu le disais, puisqu'il s'agit d'un jeu de rôle à deux, sans MJ, et qui est un jeu épistolaire, donc qui se passe uniquement par écrit. Alors, nous, c'est... Pardon, vas-y, Célène. Et du coup, moi qui ne le connais pas du tout, ce jeu, tu peux me le vendre en 2 minutes, là ? Oui, en 2 minutes, je peux te le vendre. Donc, ce jeu raconte la quête alchimique de deux personnes, un maître et son apprenti, dans l'étrange et fabuleux monde tout autour, royaume gouverné par les vents. Le but du jeu étant évidemment d'atteindre Chrysopée, la ville sublime de la connaissance et du bonheur. Ah ouais, j'achète. Et alors, c'est un jeu qui se joue à deux. Ça crée une relation tout à fait particulière entre les joueurs. Un jeu qui se joue à deux, on n'est pas dans un contexte de party game, on n'est pas dans un contexte de jeu de rôle avec une grosse tablée. Là, il y a quelque chose de déjà spécifique dans le fait d'être à deux, j'imagine. Alors effectivement, ça crée une relation très particulière parce que, comme toutes les relations à deux, que j'imagine les auditeurs peuvent connaître aussi dans d'autres contextes, ça crée une relation de proximité, ce qui est un peu ambivalent parce qu'il s'agit d'un jeu où on voyage beaucoup. L'idée du jeu, c'était d'arriver à rendre à la fois la distance et le temps qui passe, d'où l'épistolaire en question, parce qu'il est très compliqué de parler de voyage s'il n'y a pas de notion de temps. Et donc paradoxalement, se crée une intimité, comme ça on rentre dans le vif du sujet, se crée une intimité, une proximité, une connivence, une sorte de, de confession intime, mais il y a un peu de ça. Alors que les gens ne sont pas du tout l'un en face de l'autre, le but du jeu étant de ne pas se voir. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par... Enfin, du coup, le jeu se joue sous quel format, de quelle façon ? Alors, parce que visiblement, les personnes ne sont pas l'une en face de l'autre. Le jeu étant épistolaire, en fait, il se joue par lettres. Alors, par lettre ou par email, hein, c'est-à-dire que le but du jeu étant de s'envoyer des lettres. Le maître et l'apprenti ne voyagent pas ensemble. Ils ont le même but, ils ont le même objectif, mais pour des raisons diverses. L'apprenti, lui, est envoyé sur les routes alors que le maître reste de son côté. Et donc, pour se raconter l'un et l'autre l'avancée de leur quête, leur découverte, leurs doutes, etc., ils s'envoient une correspondance. Donc, en fait, le jeu va prendre la forme de cette correspondance. Tu communiques avec l'autre joueur en lui envoyant des vrais écrits. Alors certains le jouent jusqu'au bout et s'envoient des lettres par la poste. J'ai quelques tablés de... Enfin, tablés, ben, du coup non, ça marche pas, mais j'ai quelques duos de joueurs qui fonctionnent comme ça. J'ai aussi testé avec d'autres personnes le format email qui a l'avantage d'aller du coup un peu plus vite et de correspondre un peu plus à la façon dont les gens communiquent maintenant. Et donc en fait, tu as une quête. Cette quête prend la forme un peu du grand œuvre alchimique, si tu veux. Donc, il y a des étapes clés à passer ensemble. Et donc, il y a un vrai système de règles dans le jeu. Hein. Le but, c'est pas juste de s'envoyer des lettres et de regarder où on va, parce qu'en fait, dans ces cas-là, on va nulle part. Donc, il y a vraiment une quête à suivre avec des étapes clés dont le contenu est pas fixé par le jeu, mais reste à la discrétion des joueurs, malgré tout. Et donc, de passer d'étape en étape te permet ensuite, effectivement, de développer ton rapport à l'univers, de prendre conscience de certaines choses sur toi, de développer ta relation avec l'autre joueur également, jusqu'à atteindre Chrysopée, qui est en fait le symbole de l'aboutissement, ou de l'éveil, si tu veux. Ça me fait penser un petit peu quelque part à la genèse des play by email avec les parties de diplomatie qui se déroulaient comme ça par échange de lettres aussi. Je ne sais pas si tu t'es inspiré de ça d'une certaine façon. Alors en fait, non, pas du tout. Enfin, en l'occurrence, les parties de diplomatie, je ne savais pas qu'il y avait une partie écrite comme ça. En fait, mes grosses inspirations pour ce jeu, ce sont tout simplement les jeux de rôle par forum, que j'ai fait beaucoup quand j'étais ado, parce que je trouvais ça assez intéressant. Il y avait quelque chose dans l'écrit qui permettait de faire des choses que tu fais pas à l'oral. Et puis en l'occurrence, ça permettait de jouer avec des gens qui étaient loin, sans forcément avoir à se rencontrer autour d'une table. Donc il y avait aussi ça. Et puis parce que j'aimais bien écrire, donc voilà, on va commencer par ça. Et aussi de jeux vidéo, en fait, plus que de jeux de rôle. Notamment le jeu vidéo qui s'appelle Myst, donc toute la série des Myst, Myst 1, 2, 3, 4, 5, je crois maintenant. Ces jeux-là, il y a une question d'exploration par les livres qui était symboliquement super belle. On va revenir à Myst et à ton rapport aux jeux vidéo, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes là-dedans, mais je voulais m'attarder sur cette notion d'intime que tu commençais déjà à évoquer dans l'écriture. C'est vrai que pour le coup, la correspondance, c'est un média de l'intime. Enfin, genre, quand on parle des lettres d'amour qui sont conservées, de plein de choses, sans vouloir faire d'actualité, on évoquait il y a assez peu de temps le recueil d'ouvrages de François Mitterrand et de ses lettres personnelles. Et on voit bien qu'il y a quelque chose de... immédiatement intime et un peu romanesque en même temps. Il y a cette idée-là aussi de travailler un rapport différent des joueurs l'un à l'autre, parce que le passage par l'écrit, le passage du temps, ça va générer un affect et aussi une trace physique de la relation. Oui, alors je suis complètement d'accord avec cette notion de temps. Déjà parce que prendre le temps d'écrire, c'est déjà se mettre dans un cadre particulier. Sortir du papier, choisir un stylo, prendre le temps de choisir tel ou tel mot ou telle tournure, c'est déjà créer une espèce de bulle particulière qui a vocation à être partagée. Donc c'est pas juste une bulle pour soi, c'est une bulle à destination de quelqu'un. Et je pense que outre le fait qu'on a toutes ces histoires, tous ces romans épistolaires, toutes ces questions de correspondance de grands personnages qui nous ont certainement marqués hein, du point de vue symbolique, tu utilises le terme de romanesque et tu penses tout de suite aux lettres d'amour. Donc il y a quelque chose de l'ordre du sentiment, de la confidence en fait, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Il y a une question de confidence, c'est-à-dire qu'on profite que l'autre ne soit pas physiquement présent pour écrire certaines choses ou pour confier certaines choses à un messager qui est un papier ou un email hein, et qu'on va envoyer. Donc en plus, et on ne saura jamais comment il est reçu ce papier, puisque en fait, on ne sera jamais présent quand la personne va ouvrir la lettre et la lire. Donc il y a vraiment à la fois une idée de confidence, de se livrer, d'aller jusqu'au bout des choses, et en même temps, il y a une espèce de protection, parce que finalement, c'est un peu voilà, les dés sont jetés, j'ai envoyé ma lettre, maintenant on verra bien ce que ça donne. Et je pense qu'il y a un jeu comme ça, il y a un jeu dans la suggestion et dans le flou, oui, dans l'inconnu. La petite sœur un peu ennemie de l'intime, c'est la pudeur quelque part. Ça joue sur ce champ-là, le fait d'être dans l'écriture. On peut dire des choses plus intimes parce qu'on n'a pas le regard de l'autre directement, peut-être. Oui. Alors après, j'opposerais pas l'intime et la pudeur parce qu'en fait, on peut être très intime avec quelqu'un et en même temps, on peut être très délicat. Voilà. Mais je dirais qu'au contraire, l'intime, ça va pas avec le trop plein. Enfin, ça va pas avec le fait de tout dire en bloc, sans finesse. Enfin, pour moi. Est-ce que finalement, ce que tu opposerais plus à l'intime, ce serait pas le voyeurisme ? Oui, c'est ça. Je pense que tu peux pas être intime et à la fois complètement volubile avec quelqu'un. C'est pas. Il y a quelque chose dans l'intimité qui tient du murmure, en fait. On en reparlera peut-être, mais pour moi, la question d'intimité, elle va aussi avec la question de la poésie. Alors, je suis désolée pour les gens qui éventuellement m'ont déjà entendu parler de ça, parce que du coup, c'est un peu ma marotte et je le dis tout le temps, mais dans la poésie, il y a le fait de ne rien dire vraiment, mais de tout suggérer. Tu suggères toujours, c'est toujours des images. À charge à l'autre ensuite d'y mettre ce qu'il veut. Mais à la fois, tu donnes des pistes et en même temps, tu laisses ouvert un espace de suggestion que l'autre doit remplir. Et c'est ça qui fait que c'est beau. Parce qu'en fait, tu peux, par petites touches comme ça, avec des mots bien choisis, qui ont des sonorités particulières, parce qu'il n'y a pas que le contenu du mot, il y a aussi le mot en tant que lui-même, en tant que sonorité, qui fait qu'il y a des gens qui aiment écrire à voix haute. Moi, je sais que quand j'écris, je relis mes phrases parce que je suis quelqu'un d'auditif et donc j'aime bien qu'il y ait une musique qui transparaisse. Je parle pas dans mon micro. Et alors qu'il y a des gens qui juste disent rien. Et donc, il y a aussi, étrangement, dans l'écrit, un rapport à la musique. À la musique du donc, silence, si tu veux. Donc, pour toi, c'est ça la différence entre l'intime et le voyeurisme. Quelque part, c'est cet implicite, c'est ce non-dit. Oui, alors moi en tout cas, c'est comme ça que je l'aborde à titre personnel. Hein. C'est-à-dire que j'aime beaucoup en fait nouer des relations intimes avec les gens. Je considère que tant qu'on n'est pas allé au fond des choses, on est resté en surface et je trouve ça dommage. J'ai l'impression que c'est une demi-relation. Hein. C'est-à-dire qu'on est resté à la surface, c'est très bien, je sais quel est ton plat préféré, ta couleur, mais je ne sais pas à quoi tu rêves, je ne sais pas quels sont les mots que tu aimes prononcer comme ça, juste pour le plaisir, quels sont les sons qui te plaisent ou les lumières qui te touchent. Il y a quelque chose de l'inconscient aussi, je pense, dans l'écrit, dans les mots qu'on choisit. Et l'avantage d'utiliser un univers imaginaire, c'est qu'on peut jouer sur les symboliques utilisées. Et la façon dont les gens s'emparent d'un univers pour en utiliser la poésie, c'est très révélateur en fait, de ce qu'ils aiment, même parfois sans s'en rendre compte. En jeu de rôle, on joue un personnage qui n'est pas soi. Sur la route de Chrysopée, on échange et on est dans une discussion de long cours avec un autre joueur qui joue un personnage qui n'est pas lui-même. Comment est-ce qu'on peut se dévoiler ? Comment est-ce qu'on peut être intime quand on est un autre ? Est-ce que le personnage en jeu de rôle, c'est un masque qui permet de mieux se dévoiler, de mieux être symbolique de ce qu'on est, comme tu parlais de symbolique tout à l'heure en parlant des univers ? Alors, moi, je reste persuadée que de toute façon, qu'on interprète un personnage dans un contexte de jeu comme Chrysopée ou un autre jeu de rôle ou même des jeux de fiction diverses ou du théâtre, on se joue toujours un peu soi. On est toujours un peu nous-mêmes et à travers ces personnages, à travers ces avatars, ces personnalités, on explore toujours quelque chose qui nous définit. Soit parce que ça nous ressemble, soit parce que justement c'est très opposé de ce qu'on est. Donc on se définit en creux, si tu veux. Donc en fait, quand on joue un personnage, on se dévoile toujours. D'ailleurs, je pense qu'on se dévoile même plus à travers un personnage que au quotidien, parce que justement, on a l'excuse d'être un autre pour aller plus loin dans certains travers, y compris certains défauts. Alors, on pourrait aussi parler, parce que je fais du jeu de rôle grandeur nature, donc on pourrait aussi parler de ça. On va en reparler. Voilà, de la mise en scène, de la mise en espace. Mais moi, je suis persuadée qu'en fait, quand on fait du jeu de rôle avec des gens, on apprend beaucoup de choses d'eux et on se dévoile beaucoup plus qu'avec des collègues de bureau ou avec des copains dans un bar. Parce que justement, le jeu permet de confier des choses sans avoir à être jugé. Alors on sera jugé, mais c'est les personnages qui se jugent les uns les autres. Bon, au final, les émotions qu'on ressent sont toujours les nôtres. Hein. Quand un personnage a peur, c'est vraiment nous qui avons peur. C'est-à-dire que moi, je suis contre l'idée que le personnage est une entité et que nous, on est de l'autre côté. Après, dans les jeux en tant que tels, il y a des façons de créer des contextes d'intimité. Quand on fait du jeu de rôle à deux ou à trois, c'est déjà pas la même chose que d'être six ou sept autour d'une table. Donc, comment est-ce qu'on se dévoile ? Bah aussi en se mettant en situation d'eux. Et quand on dit aux gens, bah voilà, vous allez jouer un jeu épistolaire, il s'agit d'une relation vraiment d'une personne avec une autre. C'est une relation qui est déjà typée proche, puisqu'il s'agit bien du maître et d'un élève, ce qui n'interdit nullement d'ailleurs que les personnages soient frères et sœurs, père et enfant, enfin, ou mère et enfant, ou bien carrément amoureux. Hein. Mais il y a déjà une relation qui est tissée de base. Et donc, quand les gens décident de jouer à ce jeu-là, ils savent où ils mettent les pieds. Et donc, en fait, spontanément, le contexte de jeu va pousser dans une direction de l'intimité. Donc, il y a deux choses. Il y a à la fois le fait de jouer quelqu'un, qui, moi, je pense, de toute façon, emmène vers l'exploration de ce qu'on est et l'intimité, émotionnelle, du moins. Et puis, il y a le contexte de jeu en tant que tel. Bon, j'imagine que si on faisait un jeu sur table où on est deux ou trois, ben ça existe d'ailleurs. Et on, quand on se met en situation de confessionnal, où on est tout seul au bout de la table avec tous les gens qui nous regardent, puis quelqu'un vous met la lumière dans la figure, déjà, l'ambiance est différente. Et est-ce que, du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour faire une bonne biographie d'un ou d'une reliste, on pourrait prendre toutes ces feuilles de perso ? Ça serait super intéressant. Franchement, je trouverais ça extraordinaire qu'on prenne les feuilles de perso des gens et qu'on les analyse à la fois avec son regard à lui, avec le temps qui passe et la façon dont lui évolue, et qu'on les confie éventuellement à son psy ou je sais pas quoi pour savoir ce qu'il y en a, quoi. Enfin, moi, je trouverais ça... Je pense qu'on découvrirait des choses étonnantes et je pense que les gens découvriraient aussi sur eux-mêmes des choses rigolotes. Parce qu'à mon avis, il y a des choses qui passent dont on ne se rend pas compte nous-mêmes. La meilleure psychanalyste, ce serait de jouer au jeu de rôle et de réfléchir sur sa pratique. Alors, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a certains courants de la psychothérapie. Je pense à la gestalt-thérapie par exemple, qui travaille directement avec les outils du jeu de rôle. Hein. Ils font rejouer des scènes, interpréter des personnages. Alors, ce sont censés être des personnes que tu as vraiment croisées. Mais en gros, tu vas interpréter le petit salopard qui t'a torturé au lycée quand tu étais ado. Et en fait, tu vas te mettre dans ce rôle-là pour pouvoir explorer certaines choses. Donc, et maintenant d'ailleurs, quand tu vas voir un psy et que tu leur dis je fais du jeu de rôle, ben en fait ils savent et ils disent ah oui je vois bien. Voilà, c'est-à-dire que c'est devenu un outil pour eux qui est connu quoi. Du coup, tu penses que le jeu c'est vraiment un outil particulier pour explorer l'intime, pour explorer son propre intime en fait. Oui, puis l'intime de l'autre aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est toujours de savoir ce que les autres laissent avoir et ce qu'ils veulent bien donner. Ce qui est intéressant quand tu travailles avec des... Enfin, quand tu travailles, le terme, est... j'ai fait un lapsus, mais quand tu joues avec des gens que tu connais en dehors de la vraie vie, c'est que en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens que tu connais, je sais pas, c'est tes potes de lycée, et tout d'un coup, tu joues avec eux. Et tu te rends compte qu'il y avait tout un pan chez eux de sensibilité, de curiosité ou de pensée obscure que tu ignorais complètement. Et tout d'un coup, ils se révèlent comme ça à ta table et tu fais « Mais est-ce que c'est bien la même personne que celle que je croise tous les jours en salle de cours, par exemple ?» Avant de redonner la main à Manuel pour la prochaine question, je vais témoigner en cette faveur justement. Mais parmi les amis qui ont été les moins choqués quand j'ai fait mon coming out trans et que je leur ai dit que j'étais une fille, c'est mes amis de jeu de rôle qui ont été les moins surpris. Parce qu'ils ont pu dire effectivement... pour eux, ça a été une révélation quelque part de quelque chose de latent dans les parties. Ils l'avaient perçu, ouais. À travers le jeu. Sans savoir le nommer. Donc ça a été quelque chose de plus d'explicatif d'un vécu commun. Pour repartir sur la route de Chrysopée, avant de concevoir ce jeu-là, est-ce que toi-même, tu avais eu l'occasion d'expérimenter des jeux qui travaillent sur cette question de l'intime ? Je pense notamment à des jeux comme Breaking the Ice de Emily Kerbos, où, pour le coup, on joue une rencontre amoureuse entre deux personnages. Donc un jeu qui est conçu originellement pour jouer de la comédie romantique, en gros, mais qui pose cette question-là de la rencontre, et en plus avec des mécaniques de jeu qui font que le joueur met quelque chose de lui ou de l'autre joueur dans son personnage, avec un investissement un peu spécifique en plus. Alors je réfléchis, Breaking the Ice, j'y ai joué après avoir commencé, je pense, Slay With Me par contre. D'ailleurs, la partie n'était pas une mauvaise partie, mais je n'avais pas trop aimé le jeu. paradoxalement, c'était une expérience un peu bizarre parce qu'en plus c'était les sujets de, enfin, le Slay With Me, ça explore vraiment des sujets d'ordre sexuel aussi. Hein. Et c'est, moi, c'est des sujets qui me mettent extrêmement mal à l'aise, à la fois en jeu et en dehors aussi. Et du coup, c'est vrai que j'étais sortie de cette partie en ayant l'impression d'être restée en surface du jeu parce que je n'osais pas descendre. Je ne devais pas me sentir en sécurité en fait. Je devais pas me, tu vois, je sais pas, déjà les thématiques me plaisaient pas. Pourtant, je jouais avec un très bon ami à moi, donc je me sentais pas menacée par lui particulièrement. Mais le sujet abordé si frontalement comme ça, c'était vraiment très bizarre. Et je sais pas, j'en retire pas une de cette partie-là. J'en retire pas un truc en me disant, c'est génial, je veux trop faire ça. Au contraire, plutôt, je me suis dit, oh là là, va falloir, faut être prudent quand même parce que tu peux vraiment mettre les gens mal à l'aise. Non, je pense que pour le coup, l'expérience qui m'a le plus marquée pour Chrysopée, alors c'est paradoxal, c'est pas une expérience de jeu de rôle, c'est la façon dont moi j'ai joué à Myst avec mon papa. Raconte-nous ça. Tu connais cette histoire, je crois, Manuel ? Je te l'ai pas. Un petit peu, mais nos auditeurs savent pas. Alors je vais raconter aux auditeurs. En fait, quand j'avais 7 ou 8 ans, on jouait beaucoup au PC avec mon père. Et puis un jour, il me fait tester donc Myst 2 Riven. Donc Myst, pour ceux qui connaissent pas, c'est un univers où c'est un jeu à énigmes en fait. On joue un personnage qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire qu'on est à la première personne, mais on ne sait pas vraiment qui on est. On débarque dans un univers étrange où on peut voyager à travers des livres. En gros, il y a des personnes qui ont la capacité de créer des mondes en les écrivant dans des livres. Et ensuite, à travers l'objet livre, on peut passer directement dans ce monde-là. Et puis ensuite, il y a des énigmes à résoudre pour éventuellement réussir à sortir des lieux où on est coincé. C'est très très beau, voilà, moi je conseille à toutes les personnes qui n'ont pas joué à ce jeu de tester. Alors pas Myst 1 parce qu'il a super mal vieilli, mais Riven Exil et puis les suivants sont vraiment superbes. Et donc comme c'est un jeu qui est très compliqué, surtout quand on a 7 ans, je jouais avec mon papa. Et donc c'était devenu un rituel en fait, tous les jours en sortant de l'école, on allumait l'ordinateur et on se mettait une heure et demie sur Riven et on cherchait ensemble. Voilà, à résoudre les énigmes. Je me souviens qu'on a eu des conversations comme ça autour du sandwich le samedi matin, genre qu'est-ce qu'on fait, on est coincé. Puis il y a tout d'un coup, il y a une révélation en croquant dans ta tranche de concombre, genre ah oui, je sais, mais c'est sur telle île. Et en fait, c'était vraiment un moment hyper agréable parce qu'on n'était que tous les deux. Il y avait quelque chose de l'ordre du partage. Et pour moi, je pense que si j'aime autant ces jeux-là, c'est aussi parce que pour moi, ils symbolisent une forme d'amour. Puisque, en fait, on avait le même intérêt pour le jeu, mais je le faisais avec une personne que j'aimais beaucoup. Parce que j'aime beaucoup mon papa. et donc, du coup, c'est resté un vrai bon moment, très intime, puisqu'on n'a jamais proposé à ma mère de le faire, ou à mon petit frère d'ailleurs. C'était vraiment juste nous tous les deux. Et c'est ça qui était beau. Voilà, c'était un moment pour nous. Et je pense que c'est pour ça aussi que Sur la route de Chrysopée a une esthétique qui rappellera aux joueurs de Myst, beaucoup Myst, parce qu'en fait, il s'agit de ça. Il s'agit de ces moments où on n'est que à deux et où c'est fait pour. Voilà. Est-ce que tu penses que, du coup, la part de l'intime dans le jeu est plus facilement mise par le design du jeu, la façon dont les mécaniques sont incluses ? Ou alors simplement par le fait de jouer à deux ? Non, je pense que c'est les deux. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit les deux, voire même les trois, parce qu'il y a aussi l'ambiance de l'univers. J'ai quand même choisi un univers. Alors, il y en a qui appellent ça du steampunk. Je ne suis pas trop d'accord, mais c'est pas grave, en fait. C'est une ambiance un peu vintage qui ressemble aux Cités Obscures, les BD de Schwitten et Peters. Donc, c'est une ambiance qui, de toute façon, est très feutrée. Très feutré, très calme. Il y a outre les grandes villes qui ont tendance à être tellement oppressantes que tu as envie de trouver des lieux de calme en fait pour te poser, et les espaces vierges complètement déserts où il ne se passe rien, où il y a juste 4 tribus qui vivent et qui ont tendance à ramener pour le coup à l'intime devant les grands espaces. Donc c'est une histoire d'ambiance comme ça, et puis le fait que ça soit une mécanique littéraire, donc d'un échange épistolaire de 1 à 1, parce que normalement tu dois pas pouvoir correspondre avec d'autres personnes. Tu pourrais, je pense, breaker le jeu pour en faire des quêtes croisées, mais l'idée c'est que c'est toujours une relation dans un sens et dans l'autre, pas plus. Et puis effectivement t'as le contexte du jeu qui est que de toute façon vu que tu joues à deux, t'as pas le choix. C'est-à-dire que si jamais tu joues pas le jeu, si jamais tu n'accordes pas à l'autre un peu de confiance et un peu de découverte, tu stérilises le jeu. Donc en fait, spontanément, les gens qui ont envie de jouer au jeu, ils vont l'enrichir d'intimité. Voilà. Et est-ce qu'il arrive, du coup, à des joueurs, à des joueuses, de publier cette correspondance sur Internet et quel rapport ça change ? Oui, alors j'ai des joueurs qui publient. Alors soit ils me l'envoient à moi pour que je puisse publier sur le site internet qui sert un peu de supplément, qui s'appelle les archives suspendues. Soit j'ai des gens qui ont fait des blogs, c'est-à-dire qu'ils ont créé un blog sur lequel ils publiaient la correspondance. Moi-même, en fait, j'ai publié les parties que j'ai eues avec d'autres joueurs, avec leur accord, évidemment. Hein. Alors, qu'est-ce que ça peut changer ? Bah, c'est intéressant. Qu'est-ce qui peut pousser un homme politique ou quelque chose comme ça, enfin, à publier les correspondances ? Je pense qu'à la fois, il y a le quand on aime ce qu'on écrit, donc une simple gestion de qualité littéraire, on a envie de le publier parce qu'on trouve que ce qu'on raconte c'est beau et que on a envie de juste de le mettre à disposition des autres, en sachant que là il s'agit bien en plus d'un monde imaginaire avec des personnages imaginaires. Donc pour le coup, ça tient effectivement du romanesque. Donc je pense que c'est plus facile de publier ce type de document que des lettres qu'on aurait véritablement écrites soi-même à des gens qui existent vraiment, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du jeu là-dedans aussi. Et puis je pense qu'une là où les paroles, elles tiennent pas, c'est-à-dire qu'une fois que tu as prononcé un mot, c'est fini, il a été entendu, puis les lettres, elles font support. Et donc, du coup, tu as des traces matérielles de ce que tu vis. Et donc, publier, bah, ça permet, je pense, d'une certaine façon, de fixer en fait, l'expérience dans le temps. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre du plaisir aussi de se livrer. Une fois que tu l'as fait avec une personne, c'est plus facile après de le faire avec plusieurs. Parce que tu as passé l'étape où tu te demandais s'il fallait que tu le racontes ou pas. Moi, j'ai des joueurs qui m'ont dit « Oh là là, je ne sais pas comment elle va réagir, je lui ai envoyé une lettre, j'ai mis tellement de moi, j'ai peur de l'inquiéter. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont carrément le recul pour dire « Moi, ce que je raconte dans la lettre, c'est ce que j'ai vécu vraiment. » Je ne sais pas s'ils publieront jamais ça, par contre. Moi, j'ai une question relative à... Tu as parlé de Riven et de la série des Mists de façon générale. Dans ta ludographie, dans les jeux qui t'ont influencé, il y en a un autre que tu cites souvent qui pose la question de la relation. Je crois que tu vois où je veux en venir. Il s'agit de Journey. Oui, Journey. Oh mon Dieu, ce jeu. Et pour c'est le coup, bon Journey, c'est presque l'inverse sur la route de Chrysopée, puisque dans la route de Chrysopée, on n'a que le texte, on n'a que le récit, alors que dans Journey, on a tout le reste, mais on n'a pas ça. Ce jeu, il est tellement beau. Alors, il faut savoir quelque chose de rigolo à propos de Journey. C'est que oui, normalement, tu peux y jouer à deux. C'est-à-dire que le but, c'est de se connecter sur le... C'est un petit jeu qui est publié, pour ceux qui ne connaissent pas, par That Game Company, et qui est une exclusivité Sony. Donc, vous le trouverez sur le PlayStation Store. En plus, il ne coûte pas trop cher. Achetez-le, quoi. Faites ça aujourd'hui. Faites-vous plaisir. Et donc, le but, c'est de se connecter sur le réseau PlayStation. Et en fait, on est mis en relation au hasard avec un autre joueur qui est connecté. On ne sait pas qui c'est et on ne le saura jamais. Et le but, c'est de, comme le nom l'indique, de faire un voyage jusqu'à une montagne à deux. Et effectivement, il y a une impossibilité technique de communiquer avec la personne. Il n'y a pas de chat, il n'y a pas de texte. La seule chose que vous pouvez produire, c'est des sons avec des jolis petits glyphes. Voilà, donc en fait, vous ne savez même pas ce que ça signifie. Et ça fait une relation super intéressante. Et ben moi, j'ai jamais joué à Journey comme ça, parce qu'en fait, j'aime pas savoir que ma PlayStation, elle est connectée en réseau et que Sony pompe mes données de jeu pendant que je suis en train de jouer. Donc moi, j'ai toujours joué à Journey toute seule. Et pourtant, c'est une expérience, la spécificité de Journey, c'est cette expérience de l'intime où on n'a que le corps virtuel de l'autre, que sa présence physique, mais en aucun cas la possibilité de communiquer. Je trouve ça en fait presque étonnant que tu aies jamais joué comme ça, parce que pour le coup, on est vraiment aussi dans des problématiques d'intimité, de comment est-ce que j'arrive à partager quelque chose avec quelqu'un à qui je ne peux pas dire les choses. Alors de toute façon, je pense que de façon générale, dans la vie, une des problématiques majeures, c'est comment réussir à exprimer à l'autre ce que je ressens. En tout cas, moi, c'est une problématique qui est très importante pour moi, parce que quand on a une idée ou quand on vit quelque chose de très fort, l'idée, c'est de réussir à transmettre non pas l'information, mais l'impact émotionnel. Et ça, c'est un véritable enjeu. Alors, j'ai regardé des gens jouer à Journey. Donc, en fait, j'étais là quand ils jouaient à Journey à plusieurs. Moi, j'y ai jamais joué. Pourquoi est-ce qu'en fait, je cite tout le temps Journey ? Déjà parce que ce jeu est beau. Et ensuite, parce qu'il y a une telle cohérence d'ambiance C'est-à-dire que les mouvements, les couleurs, l'histoire du jeu, mais aussi la musique, tout est impeccablement cohérent. Et tout se répond en permanence. Et pour moi, c'est une forme d'aboutissement du game design. On pourra reprocher à Journey plein de choses, j'imagine. Mais pour moi, ce jeu est impeccablement cohérent. C'est-à-dire que le rythme du jeu, l'animation des personnages, la façon dont la caméra bouge, la façon dont les musiques sont agencées, les lumières choisies, tout ça, c'est juste parfaitement cohérent. Et c'est super beau. Peut-être que l'incohérence, en fait, se trouve en dehors du jeu. Tu cites le fait que tu n'y as pas joué en étant connecté parce que tu ne voulais pas que Sony puisse accéder à toutes tes données. Peut-être que, justement, le voyeurisme est situé ailleurs. Oui, c'est possible. Il est aussi possible, éventuellement, que moi, j'aime bien vivre mon expérience de Journey toute seule. Et que j'ai pas envie de... Même avec un autre avatar que je ne connaîtrai jamais. Peut-être qu'en fait, Journey, c'est un monde qui est extrêmement mélancolique. Et pour le coup, qui est extrêmement intime dans son graphisme. Peut-être qu'en fait, moi, c'est juste ma bulle à moi. C'est-à-dire que quand je joue à Journey, c'est parce que j'ai envie, juste moi, toute seule, de me promener dans le désert. Et que j'ai envie qu'il n'y ait personne d'autre. Voilà. Il y a peut-être plusieurs façons de jouer à Journey, en fait. Il y a peut-être plusieurs Journey. Alors, oui, il y a plusieurs définitions de l'intime, peut-être aussi plusieurs façons de l'expérimenter. Je pense qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a juste pas envie de le partager. Il y a ça aussi, je pense. Alors effectivement, tu as cité plusieurs jeux qui se jouent plutôt en solo. Enfin, Journey, c'est un cas un peu ambivalent sur le sujet, mais en tout cas, toi, tu l'as pratiqué en solo. Est-ce que l'expérience intime dans le jeu, c'est pas aussi l'expérience intime entre le joueur et le jeu? Le fait qu'on fait quelque chose, le jeu réagit, donc on n'est pas face à une structure passive. Et en particulier, dans le jeu solo, tu as parlé plusieurs fois d'une bulle. Il y a ça aussi, on se crée un moment à soi, soit qu'on partage avec son papa, quand c'est possible, soit qu'on vit seul, mais en tout cas, on se crée aussi ce moment-là à soi dans lequel on est pleinement plongé. Oui, je pense que c'est pas uniquement, pour le coup, c'est pas uniquement valable pour le jeu vidéo. Alors même si le jeu vidéo a l'avantage d'offrir un stimulus en réponse à nos actions, ce qui fait qu'en fait, on n'est pas vraiment seul. Parce qu'en fait, il y a le jeu. Donc on n'est pas vraiment seul. Quand on est tout seul avec son livre et qu'on tourne les pages et qu'on se met, voilà, on dit c'est bon, là, plus personne me parle, je coupe le téléphone, c'est moi, mon livre. Là, pour le coup, c'est une vraie bulle solitaire. Après, c'est vrai que la plupart des jeux auxquels moi j'ai joué, c'était avant l'avènement du multijoueur en permanence, donc du coup, voilà, on pouvait jouer tout seul. Alors après, on pouvait avoir le choix de jouer avec d'autres. Par contre, ce que j'aime énormément, même dans les jeux où on est censé jouer tout seul, c'est en fait regarder les gens jouer. C'est-à-dire qu'on faisait ça beaucoup, beaucoup quand on était petit. Je descendais chez les copains, on allumait Ocarina of Time, et pendant qu'il y avait quelqu'un qui avait la manette, ben on était tous là autour à commenter, à dire « Vas-y, regarde là, fais ça », etc. On a eu la même chose avec Tomb Raider et mes parents. C'était mon père qui faisait bouger Lara, ma mère qui tirait, et puis nous, on était derrière « Attention, derrière, un méchant !» et tout. C'était presque du cinéma interactif, c'était génial. Et ça, par contre, j'aime beaucoup. Et donc, jouer à Journey toute seule, oui, mais j'aime aussi beaucoup regarder des gens jouer. C'est pour ça que quand j'ai des gens qui viennent à la maison et qui connaissent pas de Journey, dire c'est leur passage obligé, c'est je les prends, je les colle devant la PlayStation, je fais déjà tu joues à ça, et pendant 2 heures je les regarde jouer. Et en fait du coup eux ils sont dedans, ils jouent, et pour les gens qui sont à l'extérieur, t'apprends des trucs sur les gens qui jouent. Est-ce que c'est pas déjà un peu du voyeurisme ça? Ouais, un petit peu. Mais cela dit, c'est jamais fait sans qu'ils le sachent, et au contraire, c'est une expérience intime, parce qu'au final ils acceptent de te... Il ne s'agit pas de s'installer dans le canapé et d'y rester s'ils sont d'accord ou pas d'accord. C'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est un moment très intime. Parce qu'on se met tous devant l'écran, on accepte que quelqu'un ait le contrôle sur tout, déjà, parce que c'est lui qui a la manette, hein, les autres regardent. Et au final, bah, il accepte d'être l'objet des regards, des études, des choses comme ça. Et du coup, tu regardes le joueur ou tu regardes ce qu'il est en train de jouer? Non, je regarde ce qu'il joue. Parce qu'en fait, il y a des jeux, ils me font trop peur et je sais pas y jouer. Par contre, j'aime bien l'histoire. Donc en fait, je veux bien avoir l'histoire du jeu, mais moi, avec la manette, je suis trop mauvaise. Et du coup, ça me frustre beaucoup parce qu'en fait, il y a des jeux genre Last of Us, par exemple. C'est des jeux dont l'histoire était sympa. Et j'étais très contente que mon compagnon y joue parce que moi, je suis très mauvaise à ce genre de jeu, mais j'avais quand même bien envie d'avoir l'histoire. Et regarder Wolf Crew, c'est pas drôle. Voilà. Donc, je posais cette question-là parce que j'ai souvenir d'avoir vu des expositions de photographies de joueurs en pleine partie sur du jeu vidéo, de photographies en portrait. Et on ressent le fait qu'il n'y a plus de regard porté sur le joueur parce que son visage prend des expressions qu'on ne retrouve pas quand la personne est en public. Du coup, je me posais la question parce que dans un cadre de joueur observant en public, il me semble qu'effectivement tous les regards se portent, en tout cas dans le cadre du jeu vidéo, sur l'écran et qu'effectivement la personne n'est plus en représentation. C'est pour ça aussi que je vois quelque chose d'assez intime dans la relation entre le joueur et le jeu. Et quand bien même il y a du public, c'est plus le joueur qu'on regarde, c'est son avatar. Oui, parce qu'il est pas, il se sent pas jugé, en fait. Éventuellement, sa performance pourrait être jugée, mais bon, je pense qu'il y a des, le phénomène d'avoir une manette et du jeu. Je pense que tu n'as plus conscience d'être regardé. Je pense que tu es happé. De toute façon, notre cerveau est fait pour être happé par les écrans de façon globale. Donc, quand on a un écran, on va se concentrer sur l'écran et on va finir par oublier ce qui se passe autour. Oui, et je pense que tu as un phénomène semblable. Qui différencie beaucoup, par exemple, le jeu de rôle grandeur nature du théâtre. C'est que ça n'est pas fait pour être regardé par un public. Et je pense que si on prenait en photo, d'ailleurs, bon, ça se fait souvent, mais s'il y avait un photographe professionnel qui venait prendre en photo des géanistes ou des rôlistes en train de jouer, je suis sûre qu'on retrouverait des expressions semblables. Des expressions qu'en fait, dans la vraie vie, tu vois, enfin, dans la vie sociale normée, tu vois jamais. Et on dit souvent aux gens « Ah, mais vous êtes trop bizarre, vous jouez des choses très différentes, vous êtes complètement schizophrène, ou je sais pas quoi. » Alors qu'en fait, le vrai masque, c'est celui qu'on voit tous les jours. Voilà. Je pense que, mine de rien, à travers le jeu, les gens disent « C'est trop bizarre, vous perdez toute notion de vous-même. » Moi, je pense que c'est tout l'inverse. Moi, je pense que tu descends plus profond dans ce que tu es. Tu te laisses aller. Voilà. T'as parlé du gène, t'as parlé du théâtre. Ça me fait penser justement à quelque chose. Depuis tout à l'heure, on parle de différents médias ludiques, on parle du jeu vidéo, on parle du jeu de rôle, etc. Est-ce que pour toi, il y a quand même une différence fondamentale dans la manière de jouer l'intime sur ces différents supports, ou est-ce qu'il y a vraiment des traits communs qui sont fondamentaux ? Oui. Alors, je pense qu'il y a un rapport psychologique qui est à peu près équivalent. On en a déjà pas mal parlé là. Par contre, il y a des différences flagrantes. Déjà, le jeu vidéo, il n'y a pas d'interaction sociale à plusieurs personnes. Normalement, tu joues avec la machine, tu joues avec le système. Voilà. Après, quand tu joues en multijoueur ou des choses comme ça, c'est différent. Mais mine de rien, il y a toujours une coupure. C'est-à-dire que ça se passe sur un écran. Donc, il y a quand même une distanciation des joueurs entre eux. Voilà. Disons qu'ils jouent ensemble, mais sur un espace qui est projeté en dehors d'eux. On ne joue pas dans l'espace du... Voilà. Après, peut-être que l'Oculus Rift changera quelque chose. Mais ça serait super intéressant. Ce serait super intéressant quand ils seront un peu meilleurs. Ou même déjà la Wiimote, ou les dispositifs comme ça qui... pour intervenir physiquement les joueurs et les joueuses, peut-être ? Oui, ou alors il faudrait qu'ils soient un peu mieux, parce que pour l'instant, je trouve que dans cette question de l'espace et du rapport entre l'action et l'écran, c'est encore un peu bancal, mais pourquoi pas ? Donc, dans le jeu, tu as un système, tes actions, elles sont codées. C'est-à-dire que tu as aussi un panel d'actions qui est limité. D'ailleurs, ça peut être... C'est l'intérêt de la chose, mais... Donc, déjà, explorer l'intime à travers un écran, c'est compliqué. On en avait parlé au Stunfest en 2016. On en avait parlé au Stunfest de mai, de la question de l'émotion. Ça demande un travail de game design qui est considérable. Et à la limite, la notion d'intime, pour moi, elle est plus vraie quand des gens sont ensemble en train de regarder quelqu'un jouer à un jeu ou qu'ils jouent à plusieurs. Là, il y a une notion d'intimité plutôt qu'une notion d'intimité qui serait dans le jeu. Voilà. C'est bon. Pourquoi ? Après, peut-être que jouer à Resident Evil tout seul dans son salon, les volets fermés, ça crée une ambiance particulière, mais pour moi, ça ne tient pas de l'intime. En jeu de rôle, sur table, il y a une notion d'intime qui peut être complètement catapultée par le système de jeu et par le nombre de gens autour de la table. C'est-à-dire que quand on est 7, on peut se dire « oui, on est entre potes », c'est déjà beaucoup 7. Hein, et en GN, le problème, puisqu'on en est au problème des différents médias, c'est la question, le fait qu'on implique le corps. Et ça peut vraiment poser des problèmes à l'intimité, parce qu'on a des zones de confort qui sont toutes différentes en fonction des gens, de ce qu'on a vécu, de notre tolérance. Et qu'une scène intime, qui pourrait en tout cas être intime en GN, elle peut être elle aussi complètement catapultée par les zones de confort. Enfin, moi j'ai fait beaucoup de GN, ça fait quoi ? Ça fait 10 ans que j'en fais maintenant. Et il y a des scènes qu'on était censé jouer avec des joueurs où on se connaît vachement, où on est presque amoureux ou tout ça, et en fait on est juste super mal à l'aise, super gêné. Et au final, cette relation d'intimité, elle n'existe pas du tout. Voire même on la fuit parce qu'en fait, elle nous dérange. Alors que dans un contexte très différent, tout d'un coup, je sais pas, ça match. On se retrouve à avoir une scène de proximité super importante et on se sent à l'aise et ça marche bien. Alors justement, est-ce qu'il y a des outils pour jouer l'intime? Parce que tu as parlé à plusieurs reprises de... On y reviendra peut-être, mais c'est vrai que dans la question de l'intime, il peut y avoir aussi la question de la sexualité. Il peut y avoir, pour le coup, la pudeur vient se mêler là-dedans. On est plus ou moins à l'aise à parler presque de soi au travers d'un jeu ou à être dans un contact physique, ce qui peut arriver dans du GN. Est-ce qu'il y a des outils pour rester safe émotionnellement parlant? Oui, alors c'est pas forcément les mêmes outils d'un support à l'autre, mais déjà, il faut annoncer clairement la couleur. Je pense que l'intime ne fonctionne qu'avec de l'honnêteté. C'est-à-dire, et de l'honnêteté régulièrement vérifiée. C'est-à-dire que déjà, il faut dire, voilà, c'est un jeu intime. Et on voudrait que ça donne, on organisateur, jeu, auteur, voudrait que ça soit un jeu intime. Donc si vous jouez à ce jeu... si vous voulez vraiment y jouer tel que j'aimerais que vous y jouiez, mettez-y de l'intime. Si jamais ça marche pas, c'est pas, ou que vous sentez mal à l'aise, c'est pas grave, le jeu est pas fait pour vous, laissez tomber, passez à autre chose. Y a pas, on vous force pas, y a pas de souci. Donc le premier outil déjà, c'est d'annoncer la couleur. La note d'intention, elle est fondamentale. Surtout en jeu de rôle et en jeu de rôle grandeur nature. Parce qu'en fait, le jeu manipule les émotions. On peut générer un type d'émotion particulier en fonction du contexte et du système qu'on met en place. Donc, à partir du moment où on a conscience qu'on a entre les mains les émotions des gens, si on est un peu vigilant et un peu bienveillant, on prévient. On dit attention, vous pourriez vous sentir vous allez vous rentrer dans un contexte qui pourrait vous déranger. Ensuite, régulièrement vérifier que ça va. Parce que le problème de l'intime, c'est qu'il joue sur la suggestion. Alors c'est ce qui fait toute sa beauté, mais le problème c'est qu'on ne sait jamais ce que l'autre y met vraiment. Et le problème du jeu, c'est que ça peut donner ce qu'on appelle un phénomène de transfert, c'est-à-dire que les émotions ressenties dans le jeu peuvent passer sur le joueur. Les personnages peuvent être amoureux et tout d'un coup le joueur se rend compte qu'il est amoureux. Et là, ça, mais ça arrive à n'importe qui, à n'importe quand. C'est un phénomène qui est, je pense, normal dans le sens où c'est le jeu fonctionne comme ça. Il faut juste être vigilant et donc régulièrement vérifier. Est-ce que ça va toujours ? Est-ce qu'on est bien au calme ? Est-ce que tu veux continuer ? Est-ce que ça va trop loin pour toi ? Des choses comme ça. Et en GN, il y a ce qu'on appelle carrément des ateliers qui sont faits pour rentrer dans le jeu. Donc, c'est des ateliers où on apprend à être proche des gens et à être capable d'identifier ses limites. Genre, oui, j'accepte que tu me tiennes par l'épaule. Oui, j'accepte que tu me prennes la main. Non, je ne veux pas que tu m'attrapes par le col et que tu me secoues en me hurlant dessus. Là, je peux plus. Je me sens pas bien. Oui, j'accepte que on se fasse de la suggestion des œillades et des machins. Non, je ne veux pas que tu m'embrasses. Voilà. Ça, c'est des limites. Et après, il y a des ateliers pour sortir du jeu. C'est-à-dire pour déconnecter ce qu'on a vécu avec le personnage de ce que nous, on est. Genre, oui, tu as vécu une relation, je sais pas, complètement abusive sur le GN. Bon, ça s'est bien passé parce que, voilà, c'était cool. Maintenant, sors de là. Et c'est un phénomène qu'on appelle le bleed et qui peut vraiment être problématique parce qu'on peut vivre des choses en jeu qui sont tellement fortes que quand on en ressort, on n'est pas bien. Et alors, il y en a qui disent, oui, c'est le blues, le GN blues ou je sais pas quoi, c'est génial et tout. Ça dépend. Voilà, se dire « Oh, j'ai passé un bon moment, j'aimerais bien y retourner », quand ça dure 2, 3, 4 heures, ça va. Quand une semaine après, on en est encore à se dire oh, « Putain, je préférais quand même vachement la vie du jeu à ma vie de tous les jours », c'est que là, il y a un souci. Et donc, il y a des ateliers pour ça, oui. C'est marrant parce que les thématiques liées à l'intime, on a souvent tendance aussi à les relier à la sexualité. Et dans le monde féministe et LGBT, on relie souvent la sexualité à une notion qui est fondamentale, c'est celle du consentement. Et j'ai l'impression que tout ce que tu viens de nous dire là, ça se relie finalement, on peut le résumer par cette notion fondamentale, tu ne trouves pas ? Oui, alors c'est une notion de consentement. Après, effectivement, les gens peuvent dire « je suis d'accord pour jouer ça ». Et en fait, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire qu'à un moment donné, ils sont pas d'accord, ils sont plus d'accord. Et ils osent pas ou eux-mêmes ne le savent pas. En fait, c'est toujours un peu le problème. En tout cas, en GN, c'est une vraie réflexion de tout un pan de la communauté. Parce que tu peux dire, je sais pas, tu dis, ok, je veux bien jouer une relation avec mon conjoint ou mon conjointe dans ma vraie vie. Donc tu dis ça 6 mois avant le GN quand on te demande ton avis. Puis après, je sais pas, en 6 mois, il peut se passer tout un tas de trucs. Finalement, 6 mois après, t'es là, alors je suis moyen sûr en fait d'avoir envie, sauf que t'oses plus le dire aux orgas parce qu'ils t'ont fait ton BG, il fait 4 pages. Et t'as pas envie de leur dire non, finalement laissez tomber, hein, on oublie tout. Donc tu fais ok, on va y aller quand même, je vais gérer. Et puis sur le GN, tu peux te dire ah ok, ça va. Et puis je sais pas, la fatigue aidant, le temps qui passe, ce que t'as vécu, je sais pas, le samedi après-midi ou le samedi soir après 2 jours de GN, tu te dis en fait j'en peux plus. En fait, faut que ça s'arrête. En fait, j'y arrive pas. En fait, et le problème, c'est que tu n'y arrives pas pour la simple et bonne raison que ce sont des activités sociales. Le jeu de rôle sur table en fait partie. Le jeu vidéo moins, c'est-à-dire que, sauf qu'il faut peut-être poser la question aux joueurs d'e-sport. Tiens, mais normalement, quand tu as plus envie de jouer, juste éteins ton PC, c'est terminé, quoi. Pour les gens qui sont filmés, qui font des performances de jeu en public, là par contre, faudrait creuser la question, ce serait intéressant. Mais du coup, en jeu de rôle, c'est compliqué. Je veux dire, t'as 6 potes qui sont venus pour la soirée, ils viennent jouer, toi t'es trop mal, tu voudrais quitter la table, t'oses pas. Pareil, en GN, tu vas pas aller voir les orgales samedi après-midi en leur disant « non mais laissez tomber, en fait, je rentre chez moi, quoi ». T'oses pas, t'as ce qu'on a. Même une scène, t'as une scène qui te dérange, tu voudrais t'en aller, ton personnage, lui, aurait toutes les raisons de rester, du coup, t'oses pas t'en aller. Alors que pourtant, il n'y a rien de pire que de jouer avec quelqu'un qui n'a pas envie. Oui, mais c'est plus une question de pas envie. Là, pour le coup, c'est vraiment une question de mal à l'aise. Et par moment, tu sais plus trop si c'est la fatigue, si c'est l'émotion, si c'est. Est-ce que t'as vraiment pas envie ? Est-ce que c'est juste que t'es fatigué, que t'as besoin d'un café ? Et t'as des flous comme ça de perception, où même toi, en fait, t'oses pas t'avouer que ça va pas. Parce que mine de rien, t'es encore dans le jeu et t'oses pas sortir. Et donc, t'as des phénomènes de pression intérieure, extérieure, qui sont très compliqués à analyser, d'où la mise en place, comme dans le BDSM, de safe word, de check, c'est-à-dire qu'on vérifie régulièrement quand on ne sait pas trop si quelqu'un est en état ou pas. Après une scène un peu hard, vérifier si ça va, c'est hyper important. Et on essaye de faire comprendre qu'en fait, il faudrait mettre ça partout. Parce que, exactement comme dans certains jeux de rôle ou dans certains jeux vidéo, on te dira « mais ça ne peut pas arriver chez nous parce qu'on ne veut pas que ça arrive. » Genre, bah non, on a créé un jeu de baston, donc bah non, il n'y a pas d'intime, on s'en fout. Tu sais jamais comment les gens s'emparent de ton jeu. C'est le fameux contenu émergent, et tu sais pas quelles sont les faiblesses des gens ou leurs forces à l'origine. Peut-être que le fait, je sais pas moi, de tirer sur un mec dans un shooter, tout d'un coup, ça te fait prendre conscience d'un truc, et tu te dis, bah non, j'y arrive pas, et là, tu craques. Et puis peut-être que le fait de donner les outils aux joueurs pour ralentir le rythme ou faire une pause ou revenir en arrière, ça permet aussi de pousser les curseurs parce qu'on sait qu'on a les outils. Oui, moi je pense que ça permet de mettre les gens en confiance parce qu'à partir du moment où ils savent qu'ils peuvent arrêter et personne ne les jugera et que... Voilà, et que s'ils ne se sentent pas bien, ils seront mis en sécurité, on les emmène dans une pièce, on leur sert un café... Eh ben, du coup, les gens sont plus tranquilles parce qu'ils sont moins à se demander « je le fais, je le fais pas, est-ce que je peux le faire, est-ce que c'est pas trop, est-ce que... » Fais-le. Et pour les gens à qui ça passe, ça donne des roleplays très sains. Et puis quand le jeu est fini, c'est fini. Voilà. Mais l'intime, c'est... Enfin, après, je sais qu'il y a 1001 façons de jouer et d'aborder le jeu. Il y a des gens pour qui la question de l'intimité, des émotions, des sentiments, ça les intéresse pas du tout. Eux, ils sont là pour résoudre des énigmes, pour faire du score, pour... voilà. Et donc, ils diront, bah non, moi, quand je fais du jeu de rôle ou du GN, en fait, ça, c'est des questions qui me concernent pas du tout. Pourquoi pas, hein ? Il y a aussi un intime, c'est celui du joueur avec son personnage. Alors c'est vrai en jeu de rôle et dans une certaine manière en jeu vidéo. Moi j'ai joué récemment par exemple à Thomas Wazelone. Alors je ne sais pas si on est uniquement dans l'empathie ou dans l'intime, mais en tout cas on crée une relation avec un personnage et un affect fort. Et j'ai l'impression que... Alors le jeu de rôle qui pour le coup est un média que tu pratiques, enfin qu'on pratique tous les trois d'ailleurs autour de la table, c'est aussi effectivement une forme ludique souvent du temps long, a fortiori si on joue en campagne, on peut développer une relation à son personnage avec des moments d'une campagne où on l'apprécie plus ou moins. Il y a toujours dans la communauté rôliste des histoires un peu de joueurs qui à un moment perd son personnage et doit porter un deuil, parce qu'effectivement si on joue avec le même personnage depuis longtemps, ça pose des questions. Est-ce qu'on crée aussi, alors même que c'est presque une projection de soi-même, une relation, est-ce qu'il y a quand même un altruisme entre le personnage et le joueur? Il y a une relation qui se crée là-dedans, qui a aussi sa propre intimité. C'est une question vachement intéressante. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas non plus... Même si on joue des facettes de soi, enfin, et ça, c'est toujours ma position, il n'y a pas tellement de fin. Il n'y a pas tant que ça de phénomène d'identification. Par contre, je sais pas, après, ce serait intéressant éventuellement de faire une étude sociologique ou psychologique sur le sujet, mais c'est très rare, en fait, les gens qui disent qu'ils sont leur personnage. Par contre, c'est très difficile, souvent, enfin, je sais pas si tu as vécu ça, mais quand tu as vécu une partie de jeu de rôle un peu forte, tu dis « je ». Pour dire « ah ben j'ai fait ça, j'ai ouvert la porte, je suis allée voir le dragon ». En GN, c'est encore plus fort, parce que pour le coup, comme tu l'interprètes comme au théâtre, quand tu dis « je », tu parles de lui ou elle. Et du coup, d'ailleurs, tu as un atelier dont le but, c'est de te faire parler du GN avec non pas des jeux « j'ai fait ça », mais « mon personnage a fait ça, mon personnage a fait ça », pour pouvoir en sortir. Oui, il y a une relation d'intimité, je pense, parce qu'il prend aussi des décisions. Enfin, tu lui fais prendre. En fait, tu lui fais prendre des décisions, tu lui fais faire des choix, tu lui fais agir de telle ou telle façon, qu'au final, ça devient un peu un confident. C'est-à-dire que par transfert, il devient le confident de certains choix, que tu peux approuver ou pas d'ailleurs. C'est tout l'intérêt des choix, c'est tout l'intérêt des jeux, des point and click, là, des jeux à questions, des choses comme ça, les telltales, les machins comme ça. Parce qu'en plus, tu peux jouer à faire prendre à quelqu'un des décisions que tu ne voudrais surtout pas prendre toi si tu étais dans la même situation. Du genre, est-ce que tu vas tuer machin ou le sauver? Spontanément, tu te dis, je vais sauver machin. Mais là, t'as bien envie de voir ce qui se passe si tu lui tires une balle dans la tête, quand même. C'est toute la question de jeu moral, comme le définit Thomas Munier, effectivement. Est-ce que je suis en accord idéologiquement avec mon personnage ou pas? Et d'ailleurs, ça fait aussi partie de toute une réflexion d'un type de jeu, que de créer des personnages qui sont justement très opposé à ta propre morale. Et où l'intérêt, c'est d'aller contre ton envie première de faire un truc et de dire non. Voilà. Jouer un salaud, une saleté, c'est une expérience étrange. Il y en a qui n'y arrivent pas, et il y en a qui y arrivent trop bien. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire du vampire, en fait, parce que j'ai fait du vampire sur table un peu, puis après, je l'ai fait en chronique en GN, et j'ai découvert que, en fait, je pouvais vachement bien mentir aux gens. C'est-à-dire que je pouvais leur raconter n'importe quoi pour me sauver la peau, et les gens, ils y croyaient. J'ai pas du tout aimé ça, en fait. Je me suis dit, ok, j'en suis capable, très bien, je ne le ferai pas. Et donc, en fait, jouer des personnages comme ça, qui sont très obscurs, dans lesquels, en plus, je sais que j'ai des compétences sociales qui font qu'ils s'en sortiraient bien, j'ai pas envie qu'ils s'en sortent bien. Donc, en fait, j'ai arrêté de faire du vampire. Voilà. Il y a aussi, oui, dans la question de l'intime avec le personnage, il y a vraiment une question de morale, pour le coup. Pour moi, c'est tout l'intérêt du jeu de rôle, hein. Du jeu de rôle et du GN, l'exploration des émotions, quelles qu'elles soient, c'est vraiment l'intérêt du médium. Justement, je voulais te poser la question, qu'est-ce que ça apporte l'intime dans le jeu? Parce qu'effectivement, il y a tout un courant de joueurs, que ce soit en jeu de rôle ou ailleurs, qui sont dans une pratique qu'on appellera d'escapisme, donc aller explorer des grands paysages, vivre des aventures fantastiques, mais surtout pas se rapprocher de ce qu'on ressent, de ses émotions, de ses fragilités. Et pour le coup, l'intime, ça travaille vraiment là-dessus. Qu'est-ce que ça apporte, selon toi, dans le jeu, cette dimension-là? Une richesse des rapports humains. Parce que au final, ça... C'est une marque de confiance en fait, que de travailler ces sujets-là avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. C'est aussi une preuve de confiance qu'on se fait à soi-même. Après, malheureusement, je peux parler que dans mon cas perso, parce que ça dépend tellement des gens. Moi, je suis quelqu'un qui, paradoxalement, je parle beaucoup d'émotions, je parle beaucoup d'intime. Je parle très peu de ces sujets-là au quotidien. Les gens qui me connaissent, je peux tenir une conversation sur un sujet X ou Y pendant des heures. Le problème, c'est que autant je dis facilement ce que je pense, autant je dis assez mal ce que je ressens. C'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai écrit un jeu où tu passes par l'écrit, hein. C'est probablement que moi de vive voix j'y arrive pas, mais du coup le cadre du jeu de rôle ou du GN fait que je, dans ce contexte un peu fictionnel, il m'est probablement plus facile d'explorer ça, probablement parce qu'effectivement je me sens moins jugée, qu'on en est tous au même point, et que le fait de le faire dans un univers fantasmagorique, parce que le fantastique c'est autre chose, fantasmagorique, ça permet de faire sortir ces trucs-là qui sont au fond, que tu n'arrives pas forcément à comprendre toi, mais qui sont latents, et comme il y a une boule, tu sais, dans la gorge. Et puis dans le jeu, ben, ils trouvent des biais d'expression. Et du coup, c'est bien. Alors, ça demande aussi d'être capable d'analyser pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas dans la vraie vie. Pour pas que l'outil jeu de rôle devienne un outil mauvais, parce que tu peux te faire du mal, puis en plus tu peux faire du mal aux gens sans le vouloir. Mais bon, ça c'est mon approche. Mais j'ai compris ça il y a 3 mois. Donc c'est voilà. On t'interviewe juste au bon moment du coup. Hein ? On t'interviewe juste au bon moment. Oui voilà, tu m'interviewes en pleine révolution psychologique. Mais du coup moi ça m'a aussi fait comprendre l'important d'être extrêmement vigilant avec les autres. Parce qu'il y a quelque chose de... On pourrait trouver très égoïste, en fait, la démarche d'explorer ses émotions à travers un personnage, alors que les gens n'ont pas forcément les clés en face pour les décoder. Et au final, ils peuvent se les manger en pleine poire, en fait, sans les comprendre ou sans les avoir anticipés. D'où la réflexion que je t'expliquais sur la sécurité. Parce qu'en fait, il y a un côté très « vas-y, je kiffe, j'y vais à fond », etc. Tu sais pas comment les autres y réagissent en face, en fait. Et tu sais, et c'est très compliqué de savoir si c'est le jeu ou si c'est la joueur ou la joueuse. Donc, il faut aussi mettre en place des techniques pour à la fois être en sécurité soi et mettre les autres en sécurité. Parce que, comme c'est un jeu de rôle social, cette exploration la fait forcément à plusieurs. Est-ce que c'est pas justement cette facilité d'accès à l'intime dans le jeu de rôle qui a pu faire peur on a vu les vagues de craintes autour du loisir du jeu de rôle, notamment dans les années 90. Est-ce que ça n'a pas pu y contribuer justement à cette vague de craintes et de « oh là là, le jeu de rôle, on va pousser nos enfants à faire n'importe quoi ». Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux ? Oui, si. Enfin, moi, je suis persuadée qu'effectivement, ce mécanisme-là, il est vite jugé et mal jugé. Parce que... Le problème, c'est qu'il est pris de travers, si tu veux. Pourquoi est-ce que les gens ont à ce point besoin de s'exprimer à travers des univers fantasmagoriques ? Je pense que déjà, c'est parce que l'être humain aime rêver. Et que si tu interdis à l'être humain de rêver, d'exprimer ses rêves en fait pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire juste tes rêves, tu brides complètement une psychologie. Et je pense que ça va aussi avec une vision de la société ou une façon de la société qui est extrêmement contrôle fric sur les émotions. Voilà. Extrêmement contrôle fric sur les émotions, extrêmement contrôle fric sur les fantasmes, quels qu'ils soient, et en fait extrêmement moralisatrice. Voilà. Et donc effectivement, je pense dans les années 70, dans les années 80, tu avais un carcan quand même social sur ce que tu avais le droit de penser, sur ce que tu avais le droit de faire, sur ce que tu avais le droit de ressentir et ce à quoi tu avais le droit de rêver. Et donc effectivement, voir des gens comme ça qui tout d'un coup débridaient leur imagination dans des univers étranges qui étaient même pas du réel, enfin, je comprends que ça ait fait peur. Mais aujourd'hui, t'as exactement le même problème. On est encore des grands gamins. De toute façon, jouer, c'est pour les enfants. Quand t'es un adulte, t'es sérieux. Tu t'intéresses à la réalité. Faut arrêter de vivre coupé du monde ou des choses comme ça. Alors qu'en réalité, ce monde intérieur qu'on explore tous en jeu de rôle, c'est notre réalité. enfin, on pourrait discuter très longtemps de la vision cartésienne de la médecine, du fait que on a quand même une vision du cerveau toute chimique et tout ça, et que on a il y a des vrais tabous au niveau du rêve. Et ça passe très très mal, par exemple, je sais pas, que t'aies envie de jouer une séductrice en jeu de rôle, par exemple. C'est super mal vu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est super mal vu qu'une femme dise « mais j'ai envie de... bah voilà, j'ai envie de me faire plaisir. » Et pourquoi pas ? Et là, t'as tout le jugement de la société qui est « mais qu'est-ce qui te passe par la tête ? T'as un souci ? T'es hystérique ? T'as tes règles ?» Enfin bref, c'est mal. Mais... Et parce qu'il y a une perméabilité entre le jeu et la réalité. Toujours. On se joue nous, on se met en scène nous, ce sont nos émotions. Et ce qu'on tire du jeu, on s'en sert dans la vraie vie aussi. C'est pas pour rien que Chrysopée, c'est un jeu qui joue sur cette frontière-là. Où dans le jeu, en fait, les éléments que tu rapportes de ton voyage, que tu transmets en disant « Regardez, j'ai trouvé tel objet, telle note », ça peut, et c'est des éléments du réel. Moi, j'encourage les gens à regarder autour d'eux, à prendre des détails en photo pour les transmettre à leurs correspondants et de leur inventer une histoire. Parce qu'en fait, réenchanter le réel, c'est une dynamique fondamentale de l'être humain, mais depuis la nuit des temps. Et c'est dramatique, en fait, qu'on classe ça dans la maladie mentale ou dans la schizophrénie. Je pense que les gens qui ont cette vision-là sont un peu coincés. Je pense qu'il devrait faire du jeu de rôle. Voilà, il devrait faire du jeu de rôle, il devrait explorer ça avec un avatar un petit peu, et puis ça irait mieux. Bien, du coup, j'imagine, Manuel peut me le confirmer, qu'on arrive à la question de fin. Je confirme complètement. Du coup, là, pour cette saison de ludologie, on a une question de fin qui d'ailleurs se raccroche très très bien à la thématique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors tu en as peut-être déjà parlé, mais peut-être que tu veux trouver un autre exemple. Est-ce que tu as une expérience de jeu qui t'a particulièrement marqué et dont tu souhaiterais parler aujourd'hui ? Alors la question va être de savoir laquelle je choisis. La première qui te vient en tête, normalement, c'est l'idéal. La première qui me vient en tête ? Ok. Alors la première qui me vient en tête, c'était sur le coup sur un GN cet été. Où j'ai vécu un truc complètement étonnant, c'est-à-dire que j'ai fait du roleplay avec quelqu'un. On a, sur 4 jours, on a dû échanger 15 phrases. Voilà, sur 4 jours. Hein. Et en fait, on a construit la relation entre nos deux personnages sur des silences, sur des regards, sur des jeux corporels, et on s'est rien dit. Rien dit du tout, un peu comme Journey en fait, ça rappelle ça. Et il s'est passé, et finalement sur mes 6 pages de débrief à la fin du jeu en question, la relation de nos personnages occupait les 2/3 du débrief, pourtant on s'était rien dit. Alors j'ai appelé ça du roleplay invisible à défaut d'autres termes, et c'était vachement intéressant en fait de voir quelque chose se construire en creux, c'est-à-dire pas sur l'échange d'idées du tout, mais sur justement tous les non-dits. Voilà, et ça m'a beaucoup marqué. C'est probablement une des expériences de roleplay les plus intéressantes que j'ai fait jusque-là. Donc, il faut que je travaille là-dessus maintenant. Du GN mutique, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Du GN silencieux. Eh ben, merci beaucoup, Morgane Régnier, pour cette participation. C'était très intéressant. Merci à vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, on vous invite à lire, à découvrir Sur la route de Chrysopée, qui, je crois, est à nouveau disponible. Oui. La disponibilité avait été légèrement suspendue, et puis c'est reparti. Est-ce qu'il y a des projets à venir ? Oh là, oui, j'aimerais beaucoup terminer 2 jeux qui sont en cours. Et ce sont des jeux qui se jouent. Il y en a un qui se joue à 2, étrangement, qui s'appelle Into the Woods et qui se joue avec un ruban. Uh-huh. Voilà, donc ce sont des jeux qu'on dit freeform, c'est-à-dire un mi-jeu de rôle, mi-GN. Et un autre jeu qui s'appelle Chrysalis, où on joue dans des sacs de couchage. Ça devrait te parler avec tes scouts. voilà, et sinon, j'ai un troisième projet qui est un jeu sur les révolutions. Des révolutionnaires, et un quatrième qui verra peut-être le jour dans 10 ou 15 ans, qui sera un jeu de rôle dans l'espace. Eh bien, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Merci à Célène qui était en duplex. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain numéro. Enfin, quand je dis on se retrouve, vous aurez compris que cette année, on fait tourner les équipes au fur et à mesure des numéros. Donc, je ne sais pas si je serai dedans. Mais en tout cas, ce sera toujours du ludologie. Il y aura toujours des choses à découvrir, à apprendre, des personnes à rencontrer. Et d'ici là, bah, n'oubliez pas de jouer.